téléchargez l'application Radio France pour découvrir, écouter des milliers de podcasts et toutes vos radios en direct. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le cours de l'histoire. Plusieurs centaines de soldats sont portés disparus depuis la fin du conflit au Karabakh. Les Arméniens sont poussés à l'exode et la crainte pour le patrimoine est vive. Alors partons aux origines de l'Arménie. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Est-il bien raisonnable de transformer un souverain en cochon ? C'est ce qui est arrivé à Tiridate, le roi d'Arménie, à la toute fin du 3e siècle de notre ère, au début du 3e, pardon. Et à moins qu'il ne fût changé en loup, oui, ce qui n'est pas plus raisonnable. Peut-être les deux. Et comme quoi ce roi, porcin ou lupin, est devenu le premier souverain. Oui, premier souverain à se convertir au christianisme. En 301, bien avant Constantin, dans l'Empire romain. C'est une histoire où l'on croise des dieux païens à dieux chrétiens. Grégoire l'illuminateur, une fosse pleine de serpents, une vierge à la force incroyable. C'est une histoire dans laquelle naît une église et un alphabet. Ainsi naquit le premier état chrétien. C'est l'histoire de l'Arménie. Cette semaine, dans le cours de l'histoire sur France Culture, l'Arménie au carrefour des empires. Et aujourd'hui, nous allons évoquer le premier État chrétien. Le premier État chrétien, Jean-Pierre Mahé, bonjour. Bonjour. C'est quelque chose qui nous étonne toujours quand nous évoquons l'Arménie, toujours dans l'histoire du christianisme, notre regard se porte vers Rome. Il faut rappeler que l'Arménie, en marge, est le premier État chrétien. Enfin, de quelques années précède la conversion de Rome. D'une douzaine d'années, de 11 ans exactement, Jean-Pierre Mahé, vous êtes philologue, historien du Caucase, membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Vous avez écrit « L'Arménie à l'épreuve des siècles » publié chez Gallimard, ou encore « L'alphabet dans l'histoire et dans la mémoire » aux belles-lettres. Et puis avec Annie Mahé, vous avez écrit « Histoire de l'Arménie, des origines à nos jours » aux éditions Perrin. Il y a quelque chose toujours qui nous touche au moment de lire ces récits de conversion. Et pour l'Arménie, nous avons une histoire qui, alors là, ne pourrait pas être racontée en une heure tant elle est dense. Jean-Pierre Mahé, comment se passe la conversion du roi Tiridate? Nous sommes donc au tout début du 4e siècle, nous sommes en 301. Bien, à cette époque, l'Arménie est un heureux royaume païen. Le roi a été restauré sur son trône par l'empereur Dioclétien, il a rebâti les sanctuaires des dieux qui avaient été démolis par les Perses, et il est extrêmement fort, séduisant, il a été champion olympique, il passe son temps à la chasse et à d'autres nobles divertissements royaux. Et voilà qu'il reçoit un jour une lettre de son protecteur, qui est l'empereur Dioclétien, et qui le charge de retrouver une très belle femme nommée Ripsimée, qui est religieuse et qui s'est enfuie avec sa congrégation pour échapper aux assiduités de Dioclétien. Alors, il retrouve cette femme et, l'ayant vue, il décide de ne pas la renvoyer, mais de l'épouser immédiatement. Naturellement, Ripsimée n'est pas d'accord et elle fait une prière au Saint-Esprit qui lui donne une force de volonté et de défense d'elle-même telle qu'elle résiste à tout, et même quand le roi l'entraîne de force dans sa chambre à coucher pour consommer le mariage, eh bien, elle ne se laisse pas faire, et le roi sort de la chambre, les vêtements déchirés, la couronne de travers, et furieux. il ordonne à ce moment-là de couper la gorge à Ripsimée et aux 40 religieuses qui sont avec elle. Et naturellement, pour ce crime, il est rattrapé par la providence divine et on assiste aussitôt à sa métamorphose. Ses vêtements se mettent à craquer parce que son corps se couvre de soie comme celui d'un porc ou d'un sanglier. Son nez s'allonge et se change en groin de cochon. Et bientôt, il marche à quatre pattes et il va se vautrer dans la boue et dans les roseaux des berges de l'Arax, qui est le fleuve de la région. Et voilà que pour le tirer de cette fâcheuse posture, sa sœur, qui est extrêmement pieuse, peut-être déjà chrétienne elle-même, a une vision. Elle apprend par un ange que un saint homme que le roi a jeté dans une fosse profonde depuis 14 ans, fosse qui est pleine de serpents et de scorpions, de bêtes venimeuses, a survécu contre toute vraisemblance, tout simplement parce que le Christ a dit dans son évangile aux apôtres et aux disciples qu'ils auraient le pouvoir de fouler aux pieds les serpents et les scorpions. Et ce saint homme, c'est saint Grégoire, qu'on appellera ensuite l'illuminateur, parce que c'est lui qui a apporté la lumière à l'Arménie, est encore vivant parce qu'une veuve lui a lancé tous les jours un morceau de pain pour le nourrir pendant 14 ans. Alors, il faut aller chercher cet homme dans la fosse d'Artachat, la ville jadis construite par Hannibal, et il faut le ramener à la cour de Vararchapat, où se trouve le roi Tiridate. Et en cours de route, saint Grégoire, qui est un peu effrayant, il est tout noir d'être resté au fond de cette fosse pendant 14 ans, a une vision lumineuse, justement à l'endroit où arrivent tous les visiteurs aujourd'hui de l'Arménie, c'est-à-dire à Zovartnots, l'endroit des anges veilleurs, où il y a les ruines d'une magnifique église à côté de l'aéroport. Et les anges l'instruisent de ce qu'il faut faire. Il arrive, il enterre lui-même les 40 martyrs et Ripsimée, en interdisant au roi de simplement toucher leur dépouille. Et puis, à ce moment-là, il commence une catéchèse qui va durer 40 jours. Et au fur et à mesure de la catéchèse, le roi se réhumanise. C'est-à-dire que, tout d'abord, il va retrouver, il est toujours à quatre pattes, mais enfin, il va retrouver l'usage de ses mains. Et la première tâche que va lui ordonner saint Grégoire, c'est de maçonner les tombes des martyrs. Donc le roi s'y rend lui-même, toujours avec sa tête de porc ou de sanglier, et accompagné de son épouse, Ashren, et de sa sœur, Rosrovidurt, et ils construisent les chapelles des martyrs. Et puis la catéchèse se poursuit, et le 40e jour, bien, le roi redevient un être humain, avec la peau lisse, nous dit-on, comme celle d'un bébé. Aussitôt, avant d'aller plus loin, saint Grégoire demande au roi de partir pour la Cappadoce, où il est consacré prêtre et même évêque, chargé de convertir et de baptiser toute l'Arménie. Et une fois de retour, il baptise le roi et toute son armée. Après cela, il a une deuxième vision, qui est celle du Fils de Dieu, qui descend du ciel et lui montre, dans une vision lumineuse, où doivent être construites les églises de la ville royale. Et là, nous avons un récit que vous nous offrez, Jean-Pierre Mahé, de la conversion du roi d'Arménie, Tiridate. Nous sommes en 301 et pour illustrer votre propos, je vous propose de faire un saut dans le temps. Et ça nous montre combien ces récits d'origine sont importants. Un saut dans le temps de 1300 ans, nous voici au XVIIe siècle avec le père capucin Gabriel de Chinon. Gabriel de Chinon qui est missionnaire en Perse et en Arménie et qui raconte la légende de la conversion de l'Arménie, en tout cas telle qu'il avait entendu sur place quand il visitait ces régions. Cette princesse redit sa vision, mais on se moqua d'elle. Cependant, l'ayant eue une seconde fois, et ne voulant rien négliger pour la guérison du roi, elle envoya des gens à Artaxate, qui y trouvèrent dans le lac le saint homme plein de vie. Ensuite, d'une merveille si étonnante, le saint homme fit une exhortation aux Arméniens et leur prêcha Jésus-Christ avec son zèle ordinaire. Et voyant que non seulement le roi, mais encore tous les autres demandaient le baptême, il le leur conféra. Après, il les obligea à bâtir des églises et les fit jeûner durant 60 jours. Il ajouta à ce jeûne des prières continuelles, et c'est durant ce saint temps qu'il eut une vision admirable qui lui apprit ce qui devait arriver. Un ange lui expliqua cette vision, et les églises ayant été achevées, il y fit porter les corps des saints et des vierges à qui le roi avait fait souffrir le martyre. Voilà d'où les Arméniens ont tiré le christianisme. Et comme ils s'en prévalent avec justice, dans les moyens admirables dont Dieu s'est servi pour les attirer au bercail de Jésus-Christ. Olivier Martineau dans le cours de l'histoire sur France Culture qui nous lisait un extrait des mémoires du père capucin Gabriel de Chinon. Gabriel de Chinon qui évoque au XVIIe siècle combien les Arméniens se prévalent de la conversion originelle en 301 de leur roi Tiridate. Alors une conversion en 301 racontée encore au XVIIe siècle et racontée encore au XXIe siècle avec vous Jean-Pierre Mahé. Il y a vraiment une temporalité intéressante parce que cette force de la narration et nous touche, hein, évidemment, mais recontextualisée, elle nous éclaire sur ce choix du christianisme. Pourquoi un roi d'une province complètement en marge de l'Empire romain et en marge du monde perse, décide de se convertir au christianisme? Alors, il faut bien comprendre qu'il y a un texte très célèbre, c'est le testament de l'empereur Auguste, qui est gravé en latin, sur une stèle d'Ankara, et dans lequel Auguste recommande que l'Arménie reste un État indépendant à la lisière de l'Empire romain pour constituer une sorte de marche défensive contre les Parthes et bientôt, évidemment, leurs successeurs, les Perses sassanides, et autres, n'est-ce pas? Et donc, en principe, Tiridate n'aurait pas pu devenir chrétien si les Romains s'y étaient opposés. Mais justement, en 301, les Romains ne sont pas en état de s'y opposer. Parce que, depuis Dioclétien, l'Empire a été divisé en deux parties, Occident et Orient, et dans chacune des deux parties, il y a un Auguste, qui est l'empereur en chef, si je puis dire, et un César, hein, qui est son second. Et il se trouve que l'époque dont nous parlons, c'est celle de Constantin, le premier empereur chrétien, qui est à l'époque seulement César. C'est-à-dire, il a sous ses ordres la Gaule et la Germanie, mais l'Italie, l'Espagne et à plus forte raison la Méditerranée orientale lui échappe. Il va donc être obligé de mener une guerre très longue est difficile contre ses trois rivaux. Mais vous savez que pour mener cette guerre, il a un appui extraordinaire, puisqu'en 313, à la vision du roi du pont Milvius, la bataille avant la bataille du pont Milvius, il a aperçu le signe de la croix lumineux, hein, un signe lumineux dans le ciel, et il a entendu une voix divine lui dire « Par ce signe, tu vaincras ». Alors toujours est-il qu'il n'est pas absolument victorieux jusqu'en 324. Donc ça veut dire que à l'époque où Tiridate décide de devenir chrétien, il n'est plus sous la tutelle des Romains. C'est une décision personnelle qu'il a prise. Alors quelles peuvent être les raisons de cette décision personnelle? Il y a sûrement des raisons privées. C'est-à-dire qu'il y avait très probablement déjà à sa cour un parti chrétien, des gens qui avaient entendu parler du christianisme. Et si sa sœur, celle qui lui a qui a rappelé Saint Grégoire l'Illuminateur, a pu intervenir, a reçu la vision d'un ange, nous dit la légende, c'est probablement parce qu'elle appartenait à ce parti chrétien proche du roi. Mais évidemment, il y a aussi des raisons politiques, c'est-à-dire que le roi d'Arménie, tout en étant souverain dans son pays, ne pouvait pas monter sur le trône sans être autorisé par les Romains. Autrement dit, il régnait au nom du dieu César ou du dieu Auguste. Eh bien, Tiridate s'est dit, mieux vaut régner au nom du roi, du dieu tout-puissant, que de régner au nom d'un dieu César ou Auguste, qui n'est puissant après tout que dans son empire. Jean-Pierre Mahé, dans ce choix que fait Tiridate, il y a aussi le regard que nous pouvons porter vers l'Orient, où il y a à ce moment-là, hein, en 301, ce monde perse avec une religion, hein, c'est le zoroastrisme, Zarathoustra. Il y a un choix évident de Tiridate de se montrer du côté romain, en tout cas du côté de l'Occident avec le choix du christianisme, et repousser ce que peuvent proposer les Perses. Ou alors peut-on dire même qu'en faisant le choix du christianisme, Tiridate montre l'indépendance de l'Arménie, ni le paganisme romain, ni le zoroastrisme perse? Je pense que c'est cette dernière proposition qui est juste. C'est-à-dire c'est ni l'un ni l'autre, hein, ni le paganisme romain, ni le zoroastrisme perse, mais là je suis obligé d'apporter une petite nuance, c'est que le zoroastrisme perse est une religion qui a été récemment réformée, c'est-à-dire les Sassanides qui ont pris le pouvoir en 240 de notre ère, en Perse, remplaçant les Parthes. Ils ont prétendu revenir à la véritable religion de Zarathoustra, c'est-à-dire au culte d'Ahura Mazda, et ils ont récusé tous les autres dieux des Parthes comme des idoles. Et au contraire, les Arméniens, qui n'ont pas subi la révolution des Sassanides, ils ont gardé la forme ancienne qu'on appelle le mazdéisme, qui est la religion des Parthes. Et donc, très nettement, Tiridate s'oppose à trois courants religieux, au paganisme gréco-latin, au mazdéisme des Parthes et au zoroastrisme des Perses. Et puis nous avons un souverain qui se convertit, mais un souverain qui se convertit ne veut pas dire que le peuple va le suivre. Alors comment se passe la diffusion du christianisme en Arménie? Le souverain se convertit, oblige-t-il son peuple à faire de même? En principe, oui. C'est-à-dire que les chroniques de conversion nous racontent que d'abord toute la cour, puis toute l'armée, puis tout le peuple sont baptisés, tout le monde est baptisé. Mais être baptisé, ça ne veut pas forcément dire être éclairé sur la religion. D'autant plus qu'en Arménie, à cette époque, c'est un régime de caste héréditaire qui existe. C'est-à-dire que les prêtres païens étaient propriétaires des domaines des temples, qui étaient des domaines très riches et très très importants, et ils avaient pour successeurs leurs propres enfants. C'est-à-dire que si on avait déshérité ces enfants, ça aurait entraîné une véritable insurrection. Donc, Saint Grégoire l'Illuminateur prend une décision surprenante. Il dit, bien, désormais, on n'adorera plus Ahura Mazda, ou plutôt Ahura Mazda, comme on dit en arménien, mais on adorera le Dieu Tout-Puissant, le Père de Jésus-Christ, et les fils des prêtres d'Ahura Mazda deviendront les prêtres de Jésus-Christ. Comme ça, il n'y aura plus de problème d'héritage et il n'y aura pas de problème de vendetta pour la suite. Donc imaginez que le clergé n'a pas été formé d'une façon spéciale ou d'une façon intense, il a été désigné par droit héréditaire parmi les fils de prêtres païens. Oui, et puis nous sommes à un moment où le christianisme encore est à ses débuts, au sens où il y a des débats sans fin pour savoir la nature même du Christ, avec des conciles qui, alors eux, ont lieu dans l'Empire romain, mais qui nécessitent de clarifier les positions des uns et des autres. Mais pour l'Arménie, il y a la construction d'un patrimoine. Dès lors, commencent à apparaître des églises, des monastères, des lieux qui, aujourd'hui encore, nous parlent, d'autant que Arménie, terre de conflit, ces monastères, ces églises risquent d'être menacées. Je vous propose d'aller visiter la cathédrale. Alors, la cathédrale, il faut que je le prononce bien. Hein. Ekshmiazdin, elle a 17 siècles d'histoire. C'était sur Antenne 2 en 1994. En Arménie, à une vingtaine de kilomètres de la capitale Yerevan, au centre d'un vaste jardin où les fidèles aiment à se promener avant d'entrer prier, s'élève la cathédrale de Tmiadzin, siège du Catholicossa, c'est-à-dire du patriarcat suprême de tous les Arméniens. Lieu sacré où s'accomplit le culte, centre de pèlerinage, monument exceptionnel chargé d'histoire, Tmiadzin parle aux cœurs arméniens de gloire passée, d'espérance dans l'avenir, de piété, d'émotion, de continuité. Jean-Pierre Mahé, nous évoquons le patrimoine religieux arménien avec Grégoire l'Illuminateur. Nous sommes au IVe siècle. Il faut rappeler, vous connaissez très bien l'Arménie, il faut rappeler la profondeur temporelle de ce patrimoine. C'est un patrimoine religieux très ancien. Oui, si vous permettez un mot sur Ekshmiazdin, cela signifie le monogène est descendu. C'est-à-dire, c'est le lieu où Saint Grégoire aurait eu la vision du Christ. Et à l'intérieur de la cathédrale dont on vient de parler, il y a un point central qui s'appelle l'autel de la descente, qui est donc le lieu précis de la vision de Saint Grégoire. Et la cathédrale elle-même, dans le jardin dont on a parlé, est entourée d'objets religieux qui sont presque un symbole, on peut dire, de l'identité arménienne, qui sont les rachkar, c'est-à-dire les stèles marquées d'une croix. Vous en avez de toutes les époques, donc qui entourent littéralement l'ensemble des monuments religieux d'Ekshmiazdin. Alors ces rachkar, ces stèles, ont été rapportées de toutes les provinces d'Arménie autrefois. Il y en a même qui viennent du Nakhitchevan. Le Nakhitchevan, c'est là que se trouvait autrefois. Enfin, le Nakhitchevan a été une terre arménienne jusqu'en 1920. C'est seulement à cette date que les Arméniens en ont été expulsés et que, en l'application des accords entre Lénine et Mustafa Kemal, le Nakhitchevan a été attribué au nouvel État qui venait d'être formé, qui était Nakhitchevan, qui était l'Azerbaïdjan, je veux dire. Eh bien, les stèles que les Arméniens ont rapportées, qui sont à Etchmiadzin, sont les seules survivantes d'immenses cimetières qui marquaient tout le territoire et qui ont été transformées par le gouvernement azéri en traverses de chemin de fer. Donc, ça vous donne une idée de la façon dont les Azéris s'attachent à démolir les monuments chrétiens et en faire disparaître tout vestige sur un territoire. Et pour l'historien que vous êtes, Jean-Pierre Mahé, il y a également cette réflexion de la source, de la trace. Cette trace, alors quand elle est détruite et vandalisée, bien sûr, là, cela nous révolte. Mais il y a également, dans le cas de l'Arménie, juste une considération géographique. L'Arménie actuelle, là où il est possible de fouiller, est beaucoup plus petite que l'Arménie du passé. Et donc, il y a énormément de sites qui ne peuvent pas être fouillés, qui n'ont pas été visités encore. Oui, c'est-à-dire, évidemment, ça concerne essentiellement les territoires ottomans autrefois, qui aujourd'hui appartiennent à la République turque. Et en particulier, pour donner un exemple très illustre et très évident, on ne sait pas du tout où était la ville de Tigranakert ou Tigranocerte, qui fut prise par Lucullus, prise par les Romains. On ne sait pas où elle est parce que on n'a jamais pu fouiller dans les sites archéologiques où on pensait qu'on en découvrirait les vestiges. Et même tout à fait récemment, c'est-à-dire pendant les années qui viennent à peu près 30 années qui viennent de s'écouler et où les Arméniens ont pu contrôler le Rarabar, eh bien, on a retrouvé une des nombreuses Tigranakert, c'est-à-dire une ville, mettons, de 66 peut-être avant notre ère, qui se trouve près de Hadrout, dans un des territoires que les Arméniens ont dû céder récemment. C'est une acropole absolument extraordinaire, avec des blocs gigantesques liés par des crampons. Enfin, c'est un site très très spectaculaire qui montre l'ancienneté de l'implantation arménienne dans ce pays. Jean-Pierre Mahé, nous évoquons le patrimoine. Cela est essentiel parce que, en histoire, nous avons besoin de sources. Et au IVe siècle, quand Grégoire l'Illuminateur convertit le roi au christianisme, il n'est pas encore question d'écriture. Alors d'écriture arménienne, il y a d'autres formes d'écriture, car c'est un aspect très particulier de la christianisation de l'Arménie, c'est la mise en place de l'écriture. Je vous propose d'écouter la vie de Saint Mesrob. Saint Mesrob, donc celui qui a apporté l'alphabet à l'Arménie, c'est une lecture dans le cours de l'histoire d'Olivier Martineau. En ce temps-là, notre bienheureux et désirable pays d'Arménie était en tout point prodigieux. Car soudain Moïse, le maître de la loi, avec la cohorte des prophètes, et Paul, l'éclaireur, avec toute la légion des apôtres, munis de l'évangile du Christ qui rend la vie au monde, arrivèrent et parurent tous ensemble, grâce à ses deux compagnons, et se mirent à parler arménien. Il y avait là désormais une joie qui emplissait le cœur, un spectacle qui charmait la vue de qui le contemplait, car un pays qui était étranger même aux rumeurs des lointaines régions où s'étaient accomplis tous les prodiges de l'œuvre divine, d'un seul coup était informé de tout ce qui était advenu, non seulement de ce qui avait été dispensé dans le temps, mais encore des âges primordiaux et de ceux qui devaient venir, du commencement et de la fin, ainsi que de toutes les traditions données par Dieu. Le Le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Milena Hellig avec à la technique aujourd'hui Clément Daté. Nous venons d'écouter la vie, une lecture d'un extrait de la vie de Saint-Mestrop lu par Olivier Martineau. Alors attention, Jean-Pierre Maé avec Saint-Mestrop, donc nous sommes bien plus tard que la conversion, enfin bien plus tard, allez, nous allons dire que nous sommes une centaine d'années plus tard. C'est un moment extraordinaire dans l'histoire de l'Arménie, la mise en place de l'alphabet arménien. Déjà, question, mais dites donc, pourquoi si tard ? Bien, parce que, en réalité, l'écriture était vécue dans l'Antiquité, non pas comme, par les Arméniens, non pas comme un progrès, mais comme une menace. En effet, l'écriture ne servait qu'à écrire que des choses fâcheuses, c'est-à-dire les montants des tribus, les décrets des rois étrangers qui venaient soumettre l'Arménie à différentes corvées. Et puis, ce qui se passait sur Terre se répercutait dans notre monde. C'est que les dieux aussi avaient leur écriture. Le dieu Tyr, justement, eh bien, c'était le scribe d'Aramaz, le dieu suprême, et il tenait une comptabilité de tous les péchés des hommes. Et par conséquent, il les punissait à la mesure de leurs péchés. Donc, encore aujourd'hui, le diable en arménien s'appelle le greffier, Gror. C'est celui qui enregistre tout, pour qu'ensuite on rende compte. Donc, il a fallu, évidemment, inventer, non pas inventer une écriture, c'est pas ce qu'a dit Mesrop. Mesrop a dit que l'écriture lui avait été donnée par Dieu, qu'elle est Astvatsa Parkev, comme disent les Arméniens, c'est-à-dire c'est un don de Dieu comparable au don des tables de la loi qui a été fait par Moïse sur le Sinaï. Et c'est seulement cette écriture donnée spécialement aux Arméniens qui a été admise par le peuple. Il y a donc eu 100 ans pendant lesquels les Arméniens, qui avaient pratiqué un mazdéisme où on savait les prières par cœur, ont pu ensuite traduire la totalité de la Bible dans leur langue et, comment dire, évoluer dans un monde où l'écrit a pris une part de plus en plus importante. Jean-Pierre Maé, alors je comprends très bien, parce que vous nous l'expliquez clairement, pourquoi l'Arménie ne s'était pas encore dotée d'alphabet, parce que l'alphabet, l'écrit faisait peur, était considéré de manière négative. C'est vrai que ce sont des déclarations d'impôts, des comptes, c'est enquiquinant. Mais alors j'ai une autre question à vous poser. Pourquoi donc quand Saint-Mestrop en 405 propose un alphabet, donc il dit détenir de Dieu, pourquoi ne pas utiliser en fait quelque chose qui existe déjà? Car tout autour de l'Arménie, il y a d'autres alphabets possibles. Il y a vraiment, encore une fois, la volonté de montrer son identité. Probablement, mais il y a aussi un problème politique. C'est-à-dire que si les Arméniens avaient utilisé l'alphabet grec, qui était le plus facile et le plus proche, je dirais, ou une variante de l'alphabet grec, comme ont fait les Slaves par la suite, immédiatement, ils auraient été accusés de collaboration avec l'ennemi, par le roi de Perse. Alors, le roi de l'époque s'est dit qu'il n'avait pas du tout envie d'engager un conflit. Et donc, Saint-Mestrop, au début, n'a pas parlé d'écriture donnée par Dieu. Il a prétendu adapter un alphabet qui avait cours dans une partie de l'Iran auprès d'un évêque syrien et qui, au fond, avait déjà été autorisé par le roi de Perse. Et ensuite, il s'est aperçu que cet alphabet ne fonctionnait pas comme il fallait. Il s'y attendait, à vrai dire, dès le début. Et il l'a transformé grâce à la vision qu'il a eue et qui lui a permis de créer l'alphabet, donné par Dieu. Oui, et puis l'alphabet qui est bien adapté à la langue en plus, parce qu'il faut le rappeler. Exactement, adapté à la langue. Voilà, il y a des prononciations qui ne sont pas possibles avec les lettres grecques. Je vous propose, Jean-Pierre Mahé, d'écouter ce que disait Houri Oupekian, enseignante poétesse, quand elle évoquait l'alphabet et la religion en Arménie. C'est dans l'émission « L'âge d'or de l'Arménie » diffusée en mai 1967. Le mérite essentiel de Mesrop Mashtots a été d'isoler les sons de la langue arménienne. La langue arménienne était très nuancée, elle est restée d'ailleurs. Par exemple, pour des sons dentales, labiales, etc., il y a plusieurs sons, n'est-ce pas ? Il y a te, te, de. Pour chaque son, une lettre correspondante, un signe. En somme, Mesrop Mashtots, qui était déjà un évangélisateur, déjà un prédicateur, joignait à cette mission aussi l'enseignement de la langue arménienne. Ce qui explique peut-être que de tout temps, n'est-ce pas, l'église et l'école sont restées accolées dans l'existence arménienne. Houri Oupekian qui évoque que l'église et l'école, ou en tout cas la langue arménienne et la religion, sont liées, intimement liées. Jean-Pierre Mahé, qu'est-ce qu'il reste de cet alphabet d'origine lié à la religion, celle du 5e siècle, dans la langue arménienne aujourd'hui ? Ben, cet alphabet est encore en usage chez tous les Arméniens, aussi bien ceux de la République d'Arménie que ceux de la diaspora, alors je dirais occidentale, c'est-à-dire l'Europe et l'Amérique, et éventuellement l'Australie, et puis orientale, hein, c'est-à-dire surtout la Perse, l'Inde, et maintenant il y a des Arméniens jusqu'en Asie centrale, donc ça reste la base, bien que dans certains cas, il y ait des lettres qui ne se prononcent plus comme elles se prononçaient à l'époque de Mesrop Mashtots, l'inventeur de l'alphabet. Et puis, et dans cette forte identité, c'est vrai que nous avons tous les éléments, que ce soit la religion, que ce soit la langue, que ce soit des personnages. Nous avons tous ceux que nous citons depuis le début de l'émission, le roi Tiridate, Grégoire l'Illuminateur, Saint Mesrop. Nous avons ici un territoire, mais territoire chrétien qui se trouve, par les temps qui changent, par l'avancée des musulmans de plus en plus vers l'ouest, un territoire qui reste chrétien, qui reste perçu comme une enclave, mais qui est sans cesse en lien avec l'Occident. L'Arménie n'est jamais oubliée, même si elle est toujours lointaine et en périphérie. C'est tout à fait vrai. D'abord, il y a un lien qui est fondamental, qui est le lien avec Jérusalem. L'un des intérêts de la littérature religieuse ancienne arménienne, c'est qu'elle nous donne la forme de l'ancienne littérature liturgique de Jérusalem, donc la forme la plus vénérable, on peut dire, la plus archaïque de la prière chrétienne. Ça, c'est un point. Et encore aujourd'hui, un quart de la vieille ville de Jérusalem est constitué par le quartier arménien, avec le monastère des Deux Saint-Jacques et toutes sortes de lieux qui sont liés à la passion du Christ. Et puis, effectivement, à partir du XIe siècle, les Arméniens se sont trouvés, c'est-à-dire de l'expansion des Turcs Seldjoukides en Asie mineure et des croisades, les Arméniens se sont trouvés étroitement associés aux Européens, c'est-à-dire aux Francs qui sont venus faire ces croisades. Et après, eh bien, il y a eu, imaginez, dès le début du XIVe siècle, des cours d'Arméniens qui étaient donnés aux missionnaires dominicains à Avignon. Donc on enseignait l'arménien dans le palais pontifical d'Avignon. Et puis le roi Louis XIV a créé l'institution des jeunes de langue, c'est-à-dire qu'on formait des jeunes arméniens en France pour devenir des drogmans aux échelles du Levant. Et nous venons d'entendre tout à l'heure le témoignage du père Gabriel de Chinon, qui avait été envoyé sous Louis XIII en Perse, et donc qui avait rencontré là-bas les Arméniens d'Ispahan, hein, qui vivaient juste à côté de la nouvelle capitale que Shah Abbas avait fondée. L'Arménie au carrefour des empires, c'est ce qui nous intéresse dans le cours de l'histoire, particulièrement aujourd'hui. Jean-Pierre Mahé, nous voyons bien le regard porté par l'Europe, par l'Occident sur l'Arménie. Il n'y a pas que cela au carrefour des empires. Il y a des liens très forts encore avec tout le monde musulman. Il faut rappeler hein, combien les savoirs, parfois des savoirs de l'Antiquité, sont passés dans le monde musulman par les Arméniens aussi. Alors, par au sens spatial du terme, c'est-à-dire que l'une des graves erreurs politiques qu'a commise l'empereur Justinien a été de bannir les savants païens d'Alexandrie et des autres grandes métropoles intellectuelles de l'Empire byzantin. Il les a bannis et il les a forcés à l'exil. Et ils sont allés s'exiler en Perse pour pouvoir continuer leurs études et leurs recherches. Mais évidemment, pour passer de l'Empire byzantin en Perse, eh bien, il faut traverser l'Arménie. Et nous avons l'exemple d'un très grand savant arménien qui était un mathématicien extraordinaire, nommé Ananya Shirakatsi, qui a étudié toute cette science antique finissante et qui l'a traduite en arménien. Il a composé un livre des quatre arts libéraux et donc il a sauvé une partie de ce que l'empereur Justinien avait mis en péril en expulsant les savants qui ensuite sont allés en Perse, ont traduit leurs œuvres en syriaque, et ce sont les Syriens chrétiens qui ont enseigné aux Arabes les éléments de cette science. Ainsi naquit le premier État chrétien, l'Arménie au carrefour des empires. Jean-Pierre Mahé, je vous propose d'aller fêter Noël en Arménie, en l'occurrence dans le journal télévisé. C'était en 2014. Nous sommes à Tsovagyouch, un village à 2100 mètres d'altitude au bord du lac Sevan, cœur de l'actuelle Arménie. Comme dans tout le Moyen-Orient, la place des hommes et celle des femmes n'est pas interchangeable. Mais l'exception arménienne est ailleurs. Il y a du vin à table, nous sommes dans un pays chrétien. Nous faisons partie de l'Église apostolique arménienne. C'est comme ça depuis le IIIe siècle. L'Arménie est la première nation chrétienne de l'histoire. À Noël, il y a aussi un gâteau qui pourrait nous rappeler la galette des rois. Le célèbre baklava. La pâte doit être fine, comme celle pour faire le pain. On fait trois épaisseurs successives. Entre chaque, on met du miel, des éclats de noix. Ensuite, on superpose les couches et au four, 20 minutes. Ici, le calendrier diffère. Noël n'est célébré que le 5 janvier. Mais comme partout dans le monde, les enfants s'impatientent à table et attendent surtout que la neige finisse de recouvrir leur village. Noël en Arménie, tel que présenté dans le journal télévisé en décembre 2014. Sûr que Noël en Arménie cette année ne sera pas le même. Et nous entendons bien par un reportage pour le journal télévisé combien il y a une identité forte arménienne liée à cette histoire, cette première nation chrétienne. Jean-Pierre Mahé, il y a là quelque chose de très fort et c'est pourquoi il est nécessaire de reconstruire cette histoire au-delà de ce que vous nous avez raconté en début d'émission, le mythe qui est toujours séduisant, mais vous, historien, vous déconstruisez l'histoire et vous la construisez pour comprendre l'identité d'aujourd'hui. Certainement. Ce que je voulais dire simplement, revenir sur la date de Noël. Noël, c'est le 6 janvier. Et c'est pour des raisons théologiques. C'est parce que dans l'évangile de Marc, il est dit que Jésus fut baptisé quand il avait 30 ans. Donc, on célèbre, selon l'ancien rite de Jérusalem, trois fêtes le même jour. La fête de la nativité, la fête de l'épiphanie, parce qu'il n'y a pas de raison que les mages soient arrivés en retard. Ils étaient spécialistes des mathématiques et de l'astronomie, donc ils sont arrivés juste à l'heure, au moment de la naissance du Christ, et puis la fête du baptême du Christ et de la bénédiction des eaux qui a eu lieu 30 ans plus tard. Et c'est cette triple célébration qui correspond aux plus anciennes traditions chrétiennes que les Arméniens n'ont jamais voulu abandonner. Oui, et puis il ne faudrait pas réduire l'identité arménienne à une identité religieuse, hein, bien entendu, parce que ce serait complètement caricatural. Jean-Pierre Mahé, malgré tout, dans le regard que vous portez sur l'histoire de l'Arménie, un regard sur le temps long, quelle place doit-on laisser à cette identité ? Bien, on peut revenir sur la question de l'alphabet. J'ai eu la chance d'aller en Arménie avec des enfants qui étaient en âge d'apprendre l'alphabet. Ils avaient 6 et 7 ans. Et donc, comme il n'y avait pas d'école française, bien sûr, en Arménie soviétique, enfin si, il y en avait, mais mes enfants sont allés tout simplement à l'école arménienne qui était la plus proche de chez nous. Et ils ont appris l'alphabet. Et aussitôt, on les a traités comme des enfants, arméniens. On les a emmenés chez le photographe pour se faire photographier à côté du maître qui leur avait appris l'alphabet et du premier maître d'arménien qui était le portrait de Mesrop Mashtots. Et le jour de l'an, ils ont récité l'alphabet avec tous les enfants arméniens qui avaient appris l'alphabet dans l'année. C'est une sorte de rite qui était absolument adoré, on peut dire, du public, parce qu'il montrait en quelque sorte cette continuité qui était revendiquée. Eh bien, Jean-Pierre Mahé. Je vous laisse conclure. Vous avez fait une très belle conclusion justement en évoquant le contemporain et ce que vous avez vécu en Arménie, victime d'un conflit aujourd'hui, un pays auquel on pense vivement et pour l'importance de cet alphabet. Eh bien, je renvoie les auditeurs, les auditrices à l'alphabet dans l'histoire et dans la mémoire, votre ouvrage Jean-Pierre Mahé, publié aux Belles Lettres, ou également avec Annie Mahé. Tiens, je me demande s'il n'y aurait pas un lien de famille. Histoire de l'Arménie, des origines à nos jours. Merci vivement à vous. Il est temps dans le cours de l'histoire de retrouver Anaïs Quien avec son journal de l'histoire. Ce matin dans le journal de l'histoire, une commission historique qui connaît bien des mésaventures. Les commissions historiques, c'est un outil pratique et parfois efficace pour faire le point des sources disponibles et des connaissances sur un sujet encore rougeoyant. Emmanuel Macron en a commandé 2 qui interrogent des dossiers majeurs de l'histoire de France récente, sur la guerre d'Algérie et sur l'implication de la France au Rwanda. Plus exactement, une commission de recherche sur les archives françaises relatives au Rwanda et au génocide des Tutsis entre 1990 et 1994, nommée il y a un an et demi et qui doit rendre son rapport au printemps 2021, le fruit d'une enquête sur l'implication militaire et politique de la France dans ce pays où 800 000 Tutsis et Hutus qui les avaient soutenus ont été exterminés au printemps 1994, selon les estimations de l'ONU. Un sujet sensible et une équipe de chercheuses et de chercheurs qui doit contribuer à faire la lumière sur le rôle de la France avant, pendant et après ce génocide. Cette dernière commission connaît un parcours difficile depuis sa création. Un scandale a éclaté au moment de sa composition qui écartait d'emblée le petit nombre d'historiennes et d'historiens français spécialistes de la question au nom de l'impartialité. 15 membres, parmi eux des chercheurs ou professeurs d'université, des inspecteurs généraux de l'éducation nationale, des agrégés ou des doctorants, ou encore un membre du Conseil d'État, Christian Vigouroux. Mais pas de spécialistes du génocide des Tutsis au Rwanda. Ni du Rwanda, ni de l'Afrique des Grands Lacs, ni des interventions militaires françaises en Afrique. Un choix contesté dès le mois d'avril dans une pétition signée par 300 chercheurs universitaires et enseignants. Malgré cette crise de légitimité inaugurale, la commission a commencé ses travaux et les archives classifiées ou non ont été largement ouvertes, en tout cas jusqu'à l'intervention d'une certaine épidémie accompagnée de ces confinements successifs. Récemment, c'est le travail de la commission constituée qui connaît des aléas largement relayés par Mediapart. Une de ses membres, Julie Dandurin, s'est retirée de l'équipe sans motif officiel après une polémique déclenchée par la publication par le Canard Enchaîné d'une notice signée de sa main, datée de 2018, qui affichait une position a priori très favorable à l'intervention française lors de l'opération humanitaire turquoise mandatée par l'ONU. Spécialiste de l'histoire militaire, Julie Dandurin semblait avoir toute sa place dans cette équipe, avec une expertise peu fréquentée par les historiens, précieuse dans le cadre de l'exploration d'un dossier où l'État et l'armée étaient directement impliqués. Au-delà des conflits d'autorité scientifique, ce qui est ici en jeu, c'est la question du révisionnisme qui travaille l'histoire de ce génocide depuis l'événement lui-même. Chloé Leprince, sur le site franceculture.fr, fait le point sur cette question sensible dans un article intitulé « Pourquoi vous ne pourrez plus jamais dire le génocide rwandais ?» Une expression qui alimente la théorie révisionniste du double génocide qui voudrait relativiser le génocide par les Hutus du peuple Tutsi en mettant en concurrence les responsabilités des deux ethnies. Une mise au point salutaire sur un travail d'histoire en cours face aux théories complotistes largement utilisées par la défense des responsables du génocide devant la justice pénale internationale. Le travail des historiens est essentiel face à la réécriture de cette histoire et les travaux de la commission sont toujours en cours pour apporter des réponses sur les implications françaises. Merci Anaïs pour cette mise au point. Le journal de l'histoire, c'est en ligne sur le site franceculture.fr et sur l'application Radio France. Demain, dans le cours de l'histoire, nous poursuivons notre histoire de l'Arménie. Voyage, du port de Marseille aux plateaux arméniens, des Arméniens dans les récits des voyageurs français au 19e siècle. Oui, les Français en Arménie, mais également les Arméniens en Inde. C'était le cours de l'histoire, une émission préparée par Valentine Lovrins, Marion Dupont, Anne Toscan-Viudès, Odile Jouessel et Maïwenn Guizhou. Cette émission et toutes les précédentes sont à écouter et à podcaster pour la balade aux diffusions sur le site franceculture.fr et sur l'application Radio France.